Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici comme chaque jour de cette semaine conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les Ottomans ont-ils commencé à douter d'eux-mêmes et dès lors à changer, demande l'historien Edem Eldem. Comment retrouver l'expression directe des sentiments des Ottomans quand les sources sont dominées par la voie de la bureaucratie au style ampoulé et formaliste? Que pouvons-nous apprendre du style direct des sultans? Quelle angoisse peut révéler la prise en compte des stéréotypes sexuels véhiculés par l'orientalisme? Professeur à l'Université du Bosphore, Edem Eldem a été nommé pour 5 ans titulaire de la chaire internationale du Collège de France consacrée à l'histoire turque et ottomane, qu'il aborde selon 2 axes majeurs, les processus de modernisation et les rapports avec l'Occident. L'historien s'attache, dans le cadre de sa série consacrée à l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, au changement sensible du rapport de force au tournant des 18e-19e siècles, l'expédition d'Égypte en 1798 ayant marqué un traumatisme pour les Ottomans qui ont perdu alors ce joyau de l'Empire et sont entrés dans le jeu complexe des puissances européennes. L'historien notait d'ailleurs dans les cours précédents que les Ottomans ont commencé à perdre prise. Il s'agit donc d'une situation nouvelle qui les a forcés à revoir leur politique envers un Occident de plus en plus envahissant et menaçant, mais aussi de plus en plus attrayant et tentant par ses succès. Marc Sémo, revenant dans le journal Le Monde sur le riche parcours cosmopolite de ce fils de diplomate, rappelait les hésitations d'Edem Eldem et je le cite. Côté paternel, son arrière-grand-oncle, Osman Hamdi Bey, fils d'un grand vizir, fondateur du musée archéologique d'Istanbul et peintre de talent, incarnait à la perfection le regard orientaliste hérité de l'Occident que les élites ottomanes portaient sur leur propre monde. Côté maternel, il est apparenté à l'ex-dynastie impériale. Longtemps pourtant, l'historien hésita à emprunter une voie toute tracée. Pour Edem Eldem, dans le même article, il est toujours plus stimulant de parler des antagonismes, des tensions, des différences. L'histoire ottomane est un sujet bien trop important pour être réduit à un glorieux prélude au récit simpliste de l'histoire de la nation turque. Il s'agit de rendre toute sa complexité à cet étrange animal qu'est l'Empire ottoman et à ce laboratoire politique sur près de 6 siècles. Dans les cours précédents, Edem Eldem traque la voie directe des Ottomans, ce qu'il appelle la voie directe, et notamment l'expression décomplexée et libre des sultans. Il s'agit de faire entendre, dit-il, leurs pensées et leurs sentiments dans des missives amoureuses, au détour d'un décret ou dans les écrits des chroniqueurs de la cour. Tandis que certains textes cassent la règle formaliste en révélant des pensées ou un état d'esprit que la documentation officielle se garderait bien de laisser transparaître. C'est notamment le cas d'une lettre de l'ambassadeur ottoman à la cour de Napoléon, Halet Efendi, qui met à nu toute une série d'inquiétudes face à un monde de plus en plus menaçant. Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 2 février 2018 pour le cours d'Edem Eldem, aujourd'hui, quand le doute s'installe. Il y a un passage célèbre de la Nusret Nahme, l'histoire, c'est le livre des conquêtes ou des victoires. C'est une chronique de Siddhartha Mehmed Efendi, où il y a un passage excessivement intéressant, où il parle de Mustapha II. Mustapha II est un de ces sultans dont on ne se souvient pas forcément, qui a régné de 1696 à 1703, vite oublié, une période extrêmement difficile, etc. Mais il y a un petit passage dans le Nusret Ahmet où Mustapha II se tourne vers son chroniqueur, vers son historiographe, et lui dit, parce qu'il était en train de manger, lui dit « Dis donc, historiographe, là, je suis en train de manger des épinards. Est-ce que ça va passer à la postérité ?» Et du coup, ça passe à la postérité, puisque l'historiographe en fait état. Mais c'est très intéressant comme phénomène, puisque on voit à quel point cet homme, au fait du pouvoir, réalise tout d'un coup que tout ce qu'il fait est amplifié par le phénomène de l'historiographie, par le phénomène de la chronique. Alors, c'est pas grand-chose. Un auteur, un historien palestino-américain, Rifat Abulhaj, a écrit tout un article sur le narcissisme de Mustapha II en se fondant justement sur ce passage et sur quelques indications. Mais ça reste maigre, malheureusement. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'importance que peut acquérir un discours direct, une perception de la pensée, de la parole, sans tous les filtres des conventions de la documentation officielle. Ou alors, un exemple qui est une lettre archi-connue, alors est-ce vraiment une lettre, c'est une petite note encore une fois, du sultan Abdulhamid Ier du nom, 18e siècle, fin du 18e siècle, à sa bien-aimée Ruhshah. Ruhshah, concubine, à qui il écrit, alors voilà le texte ottoman et turc, je vous le traduis immédiatement, « Ma Ruhshah, ton Hamid t'appartient ». Un sens d'intimité, en fait le turc dit « Sana kurban ola », qu'il te soit sacrifié. Le Seigneur créateur du monde et le créateur de toutes les créatures, beaucoup de répétitions, je vous ai dit que c'était pas le meilleur des styles. Mais il ne tourmente guère pour une simple faute. Maîtresse, il s'adresse à elle, et lui est le maître du monde, selon son propre protocole. Je t'appartiens tel un esclave, frappe-moi ou tue-moi. Ça, c'est le côté sadomaso. Si tu le désires, je me soumets à ta volonté. Je t'en prie, viens ce soir. Je te jure que tu seras la cause de mon mal, voire de ma mort. Je t'en supplie, en t'embrassant la plante des pieds, je ne peux plus me retenir. Alors ça me fait penser un peu à Valmont, c'est plus fort que moi dans les liaisons dangereuses. Mais bon, c'est un texte, on en a quelques-uns comme ça, qui montrent bien que Abdulhamid Ier avait une correspondance amoureuse avec une de ses concubines, qu'il va finir par, non pas épouser, il n'épousait personne, mais il en fera sa femme. Alors, où va-t-on avec ça ? Déjà, je crois que c'est un peu une forme d'antidote aux clichés orientalistes du gynécée, du harem. On sent bien qu'il y a une relation de couple. Il y a un attachement personnel. Alors, encore une fois, il faudrait en avoir beaucoup plus avec d'autres femmes pour savoir si l'on peut amener à la vision très orientaliste du sultan noyé dans les femmes, parmi les femmes dans le harem, si on peut y apporter une vision différente qui confirmerait, qui expliquerait en quelque sorte que dans certains cas, comme Soliman au XVIe siècle, ces hommes-là se transforment et deviennent monogames dans une situation qui encourage au contraire à la polygamie. Encore une fois, ça reste anecdotique, mais ça donne une idée de l'importance que peut acquérir un texte à partir du moment où à partir du moment où c'est un texte où l'on entend une voix directe, un discours direct. Et dans le cas de Selim III, la lettre que j'ai utilisée la dernière fois, encore une fois, on sent bien qu'au-delà de se vanter auprès de son vizir, il est ravi de pouvoir se présenter comme un civilisé, occidentalisé. Je ne sais pas si vous connaissez le concept qui a maintenant à peu près 20-30 ans du Turc blanc. C'est un concept politique sociologique qui décrit un état d'esprit très typique de la Turquie contemporaine où la modernité, l'occidentalisation devient une sorte de credo d'une portion de la population qui en tire non seulement une satisfaction, mais un mépris du reste de la population, un peu à la manière des orientalistes. Eh bien, dans ce cas-là, on pourrait même dire que Selim III, avec son admiration de cette pratique occidentale de l'échange des portraits et l'insistance sur le fait que lui est au courant de cette tradition et que son vizir ne l'est pas, c'est peut-être le premier Turc blanc. C'est un début, si vous voulez, d'une transformation des mentalités, d'un passage à un état d'esprit où on commence en puissance à douter de ses propres valeurs. Quand le doute s'installe, c'est ce que j'ai choisi comme titre de mon cours aujourd'hui, puisque, je vous le disais, c'est quand on commence à douter de soi qu'on commence à changer. Et la modernité, elle s'accompagne justement très souvent de ce genre de doute. Je vais donc procéder à un autre document. Et ça, c'est un document que j'adore, un document fétiche. S'il n'avait pas existé, j'aurais dû l'inventer. Vraiment, je n'ai jamais vu de document aussi naïvement révélateur de toutes les sensations, de toutes les idées que l'on associerait justement avec ce flirt très précoce avec l'Occident et ce mélange d'amour et de haine, d'admiration et de mépris qui caractérise pendant le XIXe siècle, mais encore aujourd'hui, les relations entre l'Empire ottoman ou la Turquie et l'Occident. Et pour ce document, nous avons un auteur. C'est un document, alors lui, qui est vraiment un document, un égo-document, c'est une lettre, et dans un style extrêmement direct. Et pour situer cette lettre, il faut se rendre à Paris en 1804, dans ce cas-là, puisque c'est l'intronisation, le couronnement de Napoléon. Si vous regardez un peu au fond de la salle, là en haut, vous verrez quelqu'un qui regarde la scène. Vous connaissez probablement ce tableau de David. Ce quelqu'un n'est autre que Halet Efendi. Halet Efendi, un bureaucrate ottoman, qui a été envoyé en 1803 à Paris en tant qu'ambassadeur. Au moment justement où les relations entre la France et l'Empire ottoman se remettent au beau, et que les Ottomans qui avaient été ballottés entre les Britanniques, les Russes, etc., maintenant essayent de s'ancrer un peu dans la puissance formidable de la France napoléonienne. Halet Efendi sera donc présent lors de cette cérémonie. Mais c'est avant cette cérémonie qu'il écrira une lettre à ses amis à la cour, une lettre qui a été publiée, je n'ai même pas vu l'original, puisque le fac-similé a été publié dans les années 30, dans une publication, ou 40, dans une publication qui avait pour mission de donner un aperçu général de la richesse des fonds d'archives du palais de Topkapı, le palais impérial à Istanbul. Voici la lettre telle qu'elle fut publiée en 1940. Vous y voyez quelque chose qui est intéressant, et alors je ne vais pas digresser là-dessus, c'est l'utilisation du papier. Vous voyez qu'il écrit dans tous les sens, parce que, justement, le papier, c'est quelque chose de très cher, et que par conséquent, on économise. Donc, il a dû commencer avec une partie du texte, ensuite à rajouter... Il a donc utilisé au mieux, il a maximisé l'usage qu'il faisait de la du papier pour écrire sa lettre. Ce qui est aussi frappant, c'est que à cette époque-là, les Ottomans écrivent pratiquement en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ponctuation. Les paragraphes, là, on discerne quand même des sections, mais ce ne sont pas vraiment des paragraphes. Le genre d'écriture à laquelle nous sommes habitués, à laquelle les Ottomans, à la fin du XIXe siècle, ou dès la moitié du XIXe siècle, vont s'habituer, c'est-à-dire tout ce qui est alinéa, paragraphe, ponctuation, point d'exclamation, etc., tout cela n'existe pas encore. Ce qui rend le texte un peu plus lourd, puisque la ponctuation et la structure du texte contribuent généralement à donner encore plus d'emphase, de puissance au texte. Les Ottomans, eux, ils pratiquent vraiment un texte extrêmement continu. Mais dans ce texte, il y a deux paragraphes, enfin j'appelle ça des paragraphes pour les besoins de la cause, deux sections que je voudrais analyser. La première, la voici en turc, en haut, et en français. Je la lis rapidement. « À quiconque vante la terre des Francs avec l'intention de nous effrayer ou de nous provoquer, vous devez poser cette question. As-tu jamais été en Europe ? S'il répond « Non, jamais, mais je la connais des livres d'histoire », alors il est de deux choses l'une, que je décrirai dans un instant. S'il dit « Oui, j'y ai été et j'y ai passé quelque temps », c'est très certainement un partisan des Francs et un espion à leur solde. S'il dit « Je n'ai pas été là-bas », il est de deux choses l'une. Vous voyez la méthode quand même, hein ? Quoiqu'il a déjà oublié les deux choses qu'il est... Bon, il est de deux choses l'une. Soit c'est un âne, échec, en turc, et il croit tout ce que les Francs écrivent, ou alors il vante les Francs par zèle religieux afin d'en tirer une insulte pour les musulmans. Apprenez bien cette règle générale. C'est un texte très direct. Alors là, il n'y a pas... Il n'y a pas de tournure officielle, de rhétorique. C'est vraiment un texte extrêmement direct, pratiquement comme il le parlerait. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. Et déjà, rien qu'à voir la manière dont il présente les choses, on voit se dessiner un état d'esprit qui est assez intéressant. Alors, déjà, effrayé ou provoqué. C'est-à-dire, le rapport qu'il établit entre le fait que quelqu'un qui vante l'Europe, la terre des Francs, le Frangistan, le fait soit pour les effrayer, soit les effrayer, déjà nous, bon, nous effrayer ou nous provoquer, c'est une dichotomie intéressante. Mais surtout, quand vous dites qu'on le fait pour vous effrayer, vous admettez en quelque sorte qu'il est possible de vous effrayer. Et que par conséquent, derrière cette image de l'Europe, il y a effectivement une frayeur. Il y a un risque de se voir effrayé par ce que disent les autres de l'Europe. Alors, effrayé ou provoqué ? Donc déjà, vous avez une sorte de tension entre nous, et même s'il ne dit pas à qui correspond « nous », on comprend bien que ce « nous », c'est essentiellement les musulmans. Pas les Turcs encore, les musulmans. Ensuite, toute cette logique de pourquoi il dirait l'un ou l'autre, vous voyez encore que c'est une répétition des mêmes stéréotypes. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on ne peut vraiment... admirer et vanter l'Europe que si on est un espion et qu'on est à la solde des Européens, ou que si on veut, par zèle religieux, donc par anti-islamisme, on veut insulter les musulmans. Donc, Déjà, c'est une présentation extrêmement carrée, si vous voulez, d'un état d'esprit qui est assez négatif, mais qui en plus est un peu timoré. Il est sur la défensive. Et ça, je pense que c'est un phénomène excessivement important pour comprendre la suite de cette modernisation, de cette modernité, de cette occidentalisation. C'est ce tiraillement entre le désir d'imiter, d'adapter ce que l'on voit et cette haine, en quelque sorte, de ce que l'on sait être contraire à ces principes. Paragraphe ou section suivante, la voici, où le texte est plus long et plus complexe. Il commence, alors ce sont mes paragraphes, mais en fait, comme je vous le disais, c'est un texte continu. Il commence par une sorte d'évidence. Tous les Arméniens et les Grecs du monde ne cessent de dire que tous les musulmans sont des sodomites. Et que, Dieu nous en garde, une telle chose ne se passerait jamais en Europe, et que si cela devait arriver, les responsables d'actes aussi honteux seraient immédiatement jetés dans les flammes. Nous avons si souvent entendu dire ceci que nous avons fini par y croire. Alors, je crois que là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement intéressant. C'est un aveu de toutes sortes de choses. D'abord, quand vous dites « tous les Arméniens et les Grecs du monde », placez-vous, replacez-vous dans le contexte de l'isolationnisme, du nombrilisme impérial ottoman. Le monde n'existe pas. Et pour vous, les Grecs et les Arméniens, ce sont des sujets de l'Empire. Parler des Arméniens et des Grecs du monde, comme on parlerait des prolétaires du monde, c'est avoir une vision tout à fait différente de ce que peuvent représenter ces deux ethnies ou ces deux groupes religieux dans une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus mondiale de la politique. Ça n'est plus simplement des sujets, des rayas, comme on disait en français, inférieurs parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais tolérés parce que ce sont des gens du livre. Ce sont des gens qui constitue une sorte de cabale en puissance contre les musulmans. Et ça, bien sûr, c'est le début de quelque chose qui va marquer énormément le 19e et plus encore le 20e siècle. C'est la perception de la cinquième colonne. La cinquième colonne, c'est-à-dire ces traîtres qui sont parmi nous et qui, en fait, sont rattachés à un monde au-delà de nos frontières, et qui en plus, il le démontre, sont en train de nous desservir. Comment ? En disant que tous les musulmans sont des sodomites. Mahboub dost, le terme ottoman. Littéralement, Mahboub, c'est le bien-aimé, dost, c'est l'ami du bien-aimé. Bon, c'est une sorte d'euphémisme pour décrire ce qu'on appelait au XIXe siècle encore le vice. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est un cliché, c'est un stéréotype que l'on connaît bien, qui est une partie intégrante de l'orientalisme. Depuis le XVIe siècle, l'Occident est en train de fantasmer sur la sexualité orientale, fantasmer sur le harem, mais fantasmer aussi sur ce qui, en Europe, pose énormément de problèmes, ce qui est décrié par la religion, par les mœurs, mais qui existe, c'est-à-dire l'homosexualité. Et ainsi que ça a été souvent démontré, dès le XVe, XVIe siècle, cette homosexualité va être projetée sur l'autre. C'est la manière de se débarrasser de sa propre gêne, en quelque sorte. On ne veut pas supposer qu'il existe une telle aberration, selon les normes de l'époque, et par conséquent, ce sont les autres qui le sont. Et ça, jusqu'au XXe siècle. L'orientalisme, il est fait d'altérité, et cette altérité, elle est souvent sexuelle. sexuée, très fortement genrée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne pas uniquement les orientaux ou les moyen-orientaux. Nabil Matar a bien montré comment les Indiens d'Amérique, enfin les Américains d'origine, au XVIe et au XVIIe siècle, sont stigmatisés de la même manière par l'Occident. C'est vraiment l'altérité. Alors, ce stéréotype, on le connaît bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là, ce stéréotype est revendiqué par ces Grecs et ces Arméniens du monde. Et que par conséquent, ça devient une arme contre la domination musulmane, quelque chose qu'ils utilisent pour insulter, dénigrer les Ottomans. En plus, c'est accompagné de cette opposition, cette mise en opposition entre l'Orient et l'Occident. L'Orient se complaît dans la sodomie, l'Occident l'interdit, brûle les sodomites. Ce qui n'est pas entièrement vrai, bien sûr, mais ça vous donne une idée de l'image qui est donnée. Alors, est-ce qu'il a vraiment, on en aura peut-être une idée un peu plus tard, est-ce qu'il a vraiment été confronté à des Grecs, des Arméniens qui l'ont montré du doigt ou ont montré ses amis du doigt en disant « vous êtes tous amis ». Mais en tout cas, c'est une image qu'il a reçue, qu'il a perçue et qui le dérange. Et la dernière phrase est tout simplement magnifique. Nous avons si souvent entendu dire ceci que nous avons fini par y croire. Alors, à quoi ont-ils fini par croire ? À ce que les Européens se débarrassent de l'homosexualité en brûlant les coupables ? Ou, et je crois que c'est probable, au fait que les Ottomans, les musulmans, sont des sodomites ? Parce que le problème, de même qu'en Occident, l'accusation de sodomie qui est portée contre les autres est une sorte de projection d'une gêne intérieure, d'une gêne locale, les Ottomans, nous le savons, pratiquent, notamment dans les sphères un peu plus aisées, pratiquent une homosexualité. Je ne sais pas si c'est exactement le terme qu'il faudrait utiliser. Est-ce homosexualité? Est-ce bisexualité? Est-ce polysexualité? C'est compliqué parce que ça n'est pas... Et là, je vous renvoie à un ouvrage excellent par Khaled El-Wayheb qui s'appelle « Before Homosexuality ». Et c'est une étude des thèmes homosexuels dans la littérature ottomane et arabe du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, où il montre que ce qui est dit, ce qui est décrit, ça n'est pas encore de l'homosexualité, puisque pour avoir de l'homosexualité, ainsi qu'on l'a défini aujourd'hui, il faut être passé par l'hétéronormativité, phénomène du XIXe siècle, c'est-à-dire la croyance que la norme est hétérosexuelle et que par conséquent, ce qui ne l'est pas est une déviation, est une aberration, est une erreur, est quelque chose que l'on définira par opposition à la norme hétérosexuelle. Et ça, c'est quelque chose qui, même en Europe, ne fait que s'installer au XIXe siècle. Donc, appeler ça de l'homosexualité, c'est problématique, mais je n'ai pas de meilleur terme, et il suffit de savoir que lorsque vous lisez la poésie ottomane, d'autant plus que le turc n'a pas de genre. La langue turque n'a pas de genre. Donc le « il » ou le « elle » est indéfinissable. Dans la poésie, vous voyez souvent des poèmes, des expressions qui sont extrêmement ambiguës d'un point de vue du genre, de la sexualité. Et au-delà de cela, nous savons qu'il y a une pratique homosexuelle qui se poursuit au XIXe siècle et au XXe siècle, puisque ça fait partie, en fait, d'une société normale. Mais le problème, c'est que là, ce Halet Efendi, pour la première fois apparemment, est confronté a une vision de ceci comme un péché, comme un crime. Et cette image négative, elle provient de l'Occident. Et, dit-il, on nous l'a tellement répété qu'on a fini par y croire. Vous voyez que, malgré la haine, le mépris, la méfiance qu'il exprime envers l'Occident, il admet que lui-même est tombé dans le panneau de croire ce qui lui était dit. Alors, bien sûr, la manière dont il finit cette phrase vous fait deviner que la suite va lui donner raison. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Edem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui, quand le doute s'installe. Maintenant, nous passons à la section purement ethnographique où il décrit les plaisirs de Paris. Or, dit-il, en vérité, il apparaît qu'ils ne font que ça, ils étant les Occidentaux, et que ça étant, bien sûr, l'homosexualité. Il est à Paris une place qu'ils appellent Palais Royal, je crois qu'on la connaît, qui ressemble, alors ça c'est assez charmant, parce que comment décrire à un stambouliote qui n'a jamais vu l'Occident, comment décrire le Palais Royal? Un bazar couvert, mais en beaucoup plus grand, et avec des boutiques sur les quatre côtés, et une grande variété de marchandises dans ces boutiques. C'est une description comme une autre, il n'y a guère que les colonnes de Buren qui manquent. Au-dessus des boutiques se trouvent des appartements, et dans ces appartements, 1500 femmes et 500 garçons. Alors, les termes, je les ai choisis, femmes crâneuses, ce sont des femmes, c'est vraiment une manière assez brute, disons, de dire femmes, et garçons, orlan, qui a une connotation sexuelle. 1500 femmes et 500 garçons, dont le seul but est la sodomie. Il est honteux d'y aller la nuit, mais comme il n'y a pas de mal à y aller de jour, bon, ça c'est classique. Quand vous lisez Evliya Çelebi et sa description de Galata, il décrit les tavernes de Galata, etc. Il dit, on me l'a raconté, je n'y ai jamais été, on me l'a raconté. Lui, il est un peu plus honnête, il dit, j'y suis allé de jour, et y aller de jour n'est pas un crime. Comme il n'y a pas de mal à y aller de jour, nous y sommes allés dans le seul but d'observer la scène. Dès que l'on entre, on est pris d'assaut de tous côtés par des femmes et des hommes qui distribuent des feuillets imprimés aux visiteurs. C'est intéressant quand même. Il y a des détails. On voit bien que le fait de cette réclame qui est faite à partir de feuillets imprimés, c'est quelque chose qui l'a intéressé. Et n'oublions pas que c'est à une époque où l'imprimerie fait ses débuts dans l'Empire ottoman. Donc, c'est intéressant. Alors, bien sûr, les 1500 femmes et les 500 garçons à prendre avec une pincée de sel, puisque, bon, il n'a pas l'esprit statistique, c'est simplement une manière de dire qu'il y en a beaucoup, et un peu plus de femmes que d'hommes, c'est tout. Mais voilà la description du palais royal. Ensuite, il continue, les feuillets disent, il lit ce qui est sur les petits feuillets de réclame, « J'ai tant de femmes, mon appartement se trouve en tel endroit, et le prix est de tant. » Et le terme qu'il utilise pour prix, c'est « nar ». « Nar », en turc, c'est le terme consacré pour parler de la régulation des marchés. Donc c'est vraiment, c'est très surprenant. Un autre feuillet annonce « J'ai tant de garçons, leurs âges sont les suivants et leur prix de tant. » Et si le moindre de ces garçons ou de ces femmes devait contracter la syphilis, il est soigné, et la syphilis, bien sûr, c'est la maladie des Francs, Frengi, il est soigné par un médecin nommé par le gouvernement. Encore une fois, une observation intéressante parce que c'est un bureaucrate ottoman. Donc il s'intéresse à la manière dont tout cela est géré, notamment à la participation de l'État dans la gestion et le contrôle de cette prostitution. Et les femmes et les garçons assaillent le visiteur de tous côtés et l'accompagnent en lui demandant qui d'entre eux lui a plu. Et jusqu'aux nobles vous demandent avec fierté, avez-vous été au palais royal ? Les femmes et les garçons vous ont-ils plu ? Voilà. Il décrit, alors on sent bien qu'il est soulagé. Et ce soulagement, on va le lire dans la dernière phrase de la lettre. Lisez ce passage à Hoja Abraham. Dieu soit loué, il n'existe pas autant de sodomites et de pédérastes en terre d'islam. Soulagement. Le soulagement. C'est intéressant. Alors là, c'est un texte direct. Là, il n'y a aucun risque d'y voir. Alors, il y a bien sûr ses propres fantasmes, il y a la manière dont il interprète les choses, etc. Mais c'est un texte direct et c'est quelque chose où il veut absolument informer ses correspondants de quelque chose qu'il vient de découvrir et qui apparemment est excessivement important pour eux puisque ça remet en question ces doutes qu'ils avaient sur leur propre sexualité et sur la supériorité sexuelle des Occidentaux. Ça, c'est intéressant. C'est le doute. C'est quand on commence à ne plus se satisfaire, ainsi qu'un bon ottoman au XVIIe ou même au milieu du XVIIIe siècle l'aurait fait, on commence à ne plus se satisfaire de ses propres croyances, de ses propres normes, de ses propres valeurs, et que l'on veut se mesurer à l'aune de l'autre. Et par conséquent, la vision de l'autre devient quelque chose d'important. Et sur des choses qui sont profondément intimes. On ne parle plus de supériorité technique, technologique, militaire. On ne parle pas d'armes à feu, de canons, de vaisseaux. On ne parle pas de règlement de l'Empire ottoman. On ne parle pas de surclasser l'Empire pour en assurer la survie à travers la fiscalité et l'efficacité militaire, on parle de ce qu'il y a de plus intime pour un individu, on parle de sa sexualité, on parle de la sexualité d'un groupe. Et ce groupe se définit de plus en plus de manière cohésive autour de cette identité islamique avec les musulmans, nous, et eux qui se subdivisent en grecs et arméniens d'un côté, c'est-à-dire la cinquième colonne, qui est prête à mentir pour nous déranger, pour nous insulter et pour nous effrayer, et puis l'Occident, que l'on ne remet pas vraiment totalement en question, mais dont on est soulagé de voir que, en fait, ils sont encore pires que nous. Alors ça c'est typique. C'est-à-dire le tout quoique, hein, toi aussi, toi encore plus. Ça, c'est classique, tout le monde l'a. Mais dans le cas turc, c'est quelque chose qui est excessivement présent encore aujourd'hui. Vous parlez de génocide en Turquie, la réponse immédiate, c'est oui, mais les Indiens d'Amérique ou les Français en Algérie. Ce qui, en fait, est un aveu. Alors, quand on parle de génocide, est-ce qu'on va se lancer dans le comparatisme pour essayer de se soulager des accusations qui sont portées contre nous? Ou alors, est-ce qu'on va se pencher tout simplement sur la question en tant que phénomène historique? Et vous avez exactement la même chose ici. Et ce qui est révélateur de cette dernière phrase, c'est lisez ce passage à Hoxha Abraham. Hoxha Abraham, ça n'est pas n'importe qui. Déjà, Abraham, ça n'est pas Ibrahim, c'est bien sûr Abraham, mais pour un non-musulman. Et à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, un Hoxha, c'est un Arménien. C'est probablement un banquier arménien. C'est probablement un Arménien puissant qui gravite autour des cercles de la cour, de l'élite dirigeante. Et c'est probablement lui qui est à l'origine de ce doute. C'est lui qui a dû leur dire lors d'une soirée, parce que ce sont des gens qui se fréquentent après tout, vous savez, vous et vos mœurs, en Europe, on vous pendrait pour moins, ou quelque chose de ce genre. Alors, il insiste, lisez ce passage à Hoxha Abraham et dites-lui bien que, Dieu soit loué, en terre d'islam, il y a bien moins de pédérastes et de sodomites qu'en Occident. Et que par conséquent, la manière dont il vante l'Occident, j'en ai dévoilé le sens dans le premier paragraphe de ma lettre, c'est uniquement pour nous insulter, c'est uniquement pour utiliser cette frayeur que nous avons d'être moins performants, moins bien, moins civilisés, moins je ne sais quoi que les Occidentaux. Alors là, je crois que c'est un tournant. C'est pour ça que je disais que c'est un document que si je ne l'avais pas trouvé, j'aurais dû l'inventer. C'est vraiment le document idéal où vous mettez dans la bouche d'un bureaucrate ottoman toutes les frayeurs que vous associez avec cette montée de l'arrogance occidentale, cette montée de l'orientalisme et ce divorce de plus en plus net entre les populations non musulmanes, les élites non musulmanes et les élites musulmanes. Les élites non musulmanes, comme ce Sarraf, ce banquier arménien, qui joue le jeu, c'est-à-dire qui participe au pouvoir, mais qui participe avec un sens d'infériorité, sans avoir vraiment la possibilité d'accéder au pouvoir même. C'est ça le drame du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle. C'est le fait que les non-musulmans sont tenus à l'écart du pouvoir politique alors qu'on leur permet, gracieusement, de participer, de contribuer au financement de la politique. Derrière chaque dignitaire musulman, vous avez un ou plusieurs banquiers arméniens, parfois grecs, parfois juifs. Leur rôle est justement de fournir sans aucune sécurité de l'emploi et sans avoir la satisfaction d'être reconnus comme des participants à plein temps de cette politique. Leur rôle, c'est de fournir, de nourrir, de soutenir les carrières politiques de ces individus. Regardez un peu la destinée de la plupart de ces grands sarrafs du XVIIIe siècle, les grands banquiers arméniens. Aucun, pratiquement, n'est mort dans son lit. Ils sont tous tombés avec leur maître. C'est-à-dire que la chute politique d'un grand dignitaire, d'un grand vizir, va s'accompagner d'une sorte de purge de toute sa maisonnée et de ceux qui participaient à la construction de son pouvoir. Les banquiers, les premiers, puisque, bien sûr, les banquiers sont alors, ou leur fortune alors, est confisquée au profit de l'État. Un État encore très prédateur, qui n'a pas encore découvert, qui n'a pas encore besoin de découvrir les lois du marché pour s'alimenter en numéraire. Il pratique des ponctions extrêmement prédatrices, des ponctions auprès de ces dignitaires, mais auprès justement de ces banquiers satellitaires, pour éviter de s'engager dans une véritable dette publique. C'est ça le drame, en quelque sorte, du XVIIIe siècle, et c'est pourquoi la formation d'une bourgeoisie au-delà des distinctions religieuses n'arrive pas à prendre forme. Et que par conséquent, les Ottomans musulmans poursuivent leur carrière fondée sur la sécurité du monopole qu'ils ont du pouvoir, tandis que les non-musulmans sont obligés de naviguer les vicissitudes de la politique, d'essayer d'éviter les écueils de la politique afin de survivre dans un environnement où ils peuvent faire fortune, mais où ils n'ont jamais la garantie de la maintenir et de la transmettre aux générations suivantes. Donc, Halet Efendi, c'est vraiment un Ottoman, un des derniers Ottomans, et en plus, c'est un caractère très intéressant, c'est une figure extrêmement intéressante du règne de Mahmoud II, puisqu'il survivra jusqu'en 1822, malgré des hauts et des bas, et il sera en grande partie responsable pour les violences qui seront contractées contre les Grecs en 1821 à Constantinople même, après l'insurrection en Morée, lorsque des représailles seront organisées à Constantinople même, à commencer par le patriarche, c'est en grande partie à cause de Halet Efendi et de sa prise de position extrêmement anti-non-musulman, extrêmement, j'allais dire nationaliste, mais ça n'est pas du nationalisme, c'est du sectarianisme musulman, il a une prise de position qui est exacerbée, semble-t-il, par cette haine qu'il a de la montée en puissance de l'Occident, qui s'accompagne par la montée en puissance d'une certaine élite non-musulmane. Et pour la petite histoire, deux petites histoires, il sera rappelé quelques années plus tard, en 1806, pour des affaires de mœurs. Alors bon, il sera rappelé parce que à cause de scandales. Et enfin, pour la petite histoire, ceux qui s'intéressent à des histoires morbides de décapitation, etc. En 1822, lorsqu'il tombera finalement. Il perdra le soutien de Mahmoud II, il sera décapité à Konya, et comme le veut la tradition, notamment quand on pratique la décapitation à distance, la tradition veut que l'on ramène la tête pour bien prouver que la décapitation a eu lieu. Il a été décapité à Konya, enterré à Konya, sa tête est revenue à Istanbul, à Istanbul, Mahmoud II, dégoûté de le voir, a dit « jetez-le bien loin d'ici, je ne veux plus le voir ». On l'a enterré dans un couvent de derviches à Galata, et manque de chance, le sultan Mahmoud s'est rendu à ce couvent-là quelques jours plus tard, il a vu la stèle, la pierre tombale de la tête du pauvre Halet Efendi, et s'en est pris à sa suite en disant « Est-ce que je vous avais pas dit de vous débarrasser de lui ?» Ce qui fait qu'ils ont déterré la tête, et ils l'ont enterré dans un autre cimetière. Donc c'est je crois que c'est le seul Ottoman à avoir trois stèles funéraires, un corps, une tête et trois stèles funéraires à son escient. Voilà. Halet Efendi, mais encore une fois, c'est moi ce qui m'intéresse là, c'est la voix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce document était connu en 40, que ce document a été utilisé par Bernard Lewis, par exemple, mais ils ne l'ont jamais analysé jusqu'à essayer de comprendre quel genre de mentalité se cachait derrière cette frustration, derrière cette frayeur. Or, je pense que c'est quelque chose d'excessivement important pour essayer de comprendre la manière dont l'élite dirigeante, la classe dirigeante, au début du XIXe siècle, commence à se faire à cette idée de la suprématie occidentale, parfois très mal, avec des réactions, mais parfois, au contraire, avec une sorte d'acceptation, un peu comme les cycles de Kubler-Ross en psychologie, où on finit, après avoir résisté un peu à au traumatisme, on finit par y céder et par accepter la culture, accepter ce qui vous est imposé par l'Occident. Je vais terminer par introduire un autre cas de figure qui me paraît excessivement important pour comprendre la manière dont les Ottomans manipulent la modernité et comment ils commencent à s'inspirer de l'Occident pour des choses qui ne sont pas forcément uniquement techniques, mais de plus en plus intellectuelles. Et pour cela, ça c'est une gravure contemporaine de Halit Efendi de la prostitution au Palais Royal. Donc il n'inventait rien, même si pour ce qui est de la prostitution masculine, c'est beaucoup moins bien documenté que dans le cas des femmes. Mais le cas que je voudrais étudier, c'est celui d'un historien qui lui aussi est un contemporain justement de Halit Efendi. C'est quelqu'un qui écrira au début des années 1820 une histoire du règne de Mahmoud II. Donc c'est un historiographe, c'est un chroniqueur dans la plus pure tradition ottomane, c'est-à-dire quelqu'un qui est nommé par le sultan pour détenir ce poste prestigieux qui est celui de chroniqueur de l'Empire. Donc son but est de prendre la relève du chroniqueur avant lui. En général, c'est de la mort qui les sépare. Et par conséquent, il est censé écrire une histoire du règne du sultan régnant. Et cet homme s'appelle Shahnizadeh Ataullah Efendi. Ataullah, c'est un bon ottoman qui a une excellente réputation dans les cercles, disons, progressistes. C'est-à-dire que, à partir du XVIIIe siècle, mais de plus en plus au XIXe et au XXe siècle, s'installe dans l'historiographie ottomane et turque cette vision un peu niaise, un peu bête d'une dichotomie un peu manichéenne entre les bons et les mauvais. Alors les bons, c'est bien sûr ceux qui vont dans le sens de la modernité, du progrès, de l'occidentalisation, et les mauvais, ce sont les réactionnaires. Notamment sous la période kémaliste, c'est ainsi que la période ottomane, c'est ainsi que les principaux acteurs ottomans de l'histoire ottomane vont être séparés, vont être comparés selon leur appartenance à l'une ou l'autre des deux parties. Shahnizadeh Ataullah Efendi appartient au bon. C'est un bon puisque il est l'auteur de bien des traductions de travaux. Alors encore une fois, militaire, il traduit des traités militaires de Frédéric de Prusse. Alors ça, c'est très à la mode et ça va dans la mouvance, si vous voulez, des travaux de Mahmoud Raïf Efendi, etc. On essaye d'utiliser l'aspect technique de l'occidentalisation, mais aussi en médecine. Et il travaille en général à partir de sources qui sont soit française, soit italienne, surtout italienne, parce que jusqu'au milieu du XIXe siècle, la langue la plus parlée, la langue par laquelle le contact se fait avec le monde extérieur, avec le monde occidental, c'est l'italien. Un italien qui parfois devient ce qu'on appelle la lingua franca, une sorte de sabir mêlé de grec, d'arabe, de turc, etc., mais avec toujours un fond italien. Ce n'est que à partir des années 1850 que le français va commencer à s'imposer, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, après quoi l'anglais va remplacer le français comme source de terminologie, à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, on ne sait plus comment dire psychiatre. Les vieux de la vieille comme moi diront psychiatre en utilisant la version française du terme, alors que la jeune génération, très influencée par les États-Unis et par la télé, parlera de psychiatriste. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on prononce « psychiatrist » à la française. Alors, je ne comprends vraiment pas. Mais en tout cas, cette histoire du passage d'une langue à une autre et la manière dont les langues se font véhicule de nouvelles idées, de nouveaux concepts, est une histoire fascinante que nous explorons de temps en temps au gré de certains sujets. En tout cas, pour Shahrnizadeh Atahullah Efendi, c'est surtout à partir de l'italien qu'il traduit des traités de médecine, d'anatomie. Donc, il fait partie de cette classe d'intellectuels qui sont épris de l'Occident et qui sont prêts à se mettre au service de la traduction, de la translation, de la transposition des savoirs occidentaux afin d'éclairer, d'illuminer l'Orient. Donc déjà une mission civilisatrice, si vous le voulez. Pour la petite histoire, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il n'a pas vraiment de chance, puisque en 1826, et ça nous en parlerons plus tard, lorsque Mahmoud II se débarrasse du corps des janissaires, il se débarrassera aussi de la confrérie des Bektachi, qui était très liée avec les janissaires. Et notre pauvre Shahrnizadeh Atahullah Efendi a eu le malheur de fricoter un peu avec les Bektachi, ce qui fait qu'il sera démis de ses fonctions. Il sera exilé à Tire, en Anatolie, et il en mourra d'une manière assez comique, puisque au bout de quelques mois, au bout de quelques mois, Mahmoud II, pris de remords, décide de le gracier, de le pardonner et par conséquent de le rappeler à Istanbul. Il envoie un tchaouche, un messager qui est censé lui donner la bonne nouvelle de son itlak. Itlak, c'est le fait d'être remis en liberté, de talak, être libre. Donc la mise en liberté, Atahullah Efendi, qui apparemment était un peu dur d'oreille, aurait compris itlaf, qui veut dire exécution, et il en est tombé raide mort d'apoplexie. Bon, encore une fois, bon. Mais ce qui nous intéresse, c'est son histoire. C'est son histoire pour une raison bien simple, c'est que c'est en général reconnu comme étant le premier effort sérieux à utiliser une méthodologie moderne à l'occidental pour l'étude des phénomènes historiques, puisque la tradition historiographique dans l'Empire ottoman est une tradition de chroniqueurs très événementielle, très axée sur les éloges portés sur la personne du sultan, etc. Donc c'est une écriture extrêmement politique qui manque un peu de sens critique, si vous voulez. Quoi qu'il y a de très bons exemples, Naïma, par exemple, au XVIIe siècle. Mais en gros, Shahrnizadeh Atahullah Efendi est considéré comme l'un des premiers auteurs à avoir présenter, utiliser une méthode occidentale pour défendre la méthode en histoire. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Edem Eldem le 2 février 2018 dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui quand le doute s'installe. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Sa leçon inaugurale est publiée sous le titre L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident chez Fayard. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Edem Eldem l'expression des doutes ottomans face à une Europe conquérante et aux attraits ambivalents de la modernité. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.